Jusqu'à 20h sur Fadjet, Demain de Maître, présenté par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'art en Lorraine et en Alsace. Aujourd'hui, rendez-vous dans l'atelier de Victor Manjol, facteur d'orgue et restaurateur d'harmonium. Bonjour Victor Manjol, merci de me recevoir dans votre atelier à Neufchâteau. Merci d'être venu nous rendre visite. Alors vous êtes facteur et restaurateur d'orgue et d'harmonium. Alors en deux phrases, c'est quoi ? Le facteur d'orgue et d'harmonium, c'est l'artisan chargé de la conservation et la restauration du patrimoine lorrain et national pour que les orgues des églises ou des salles de concert, ainsi que les harmoniums, soient entretenus, restaurés s'il le faut, pour qu'ils soient toujours utilisables pour les différentes fonctions, que ce soit pour le culte ou également pour des concerts. Quelle est votre formation ? Alors, j'ai plusieurs formations. J'ai commencé par être ébéniste, donc j'ai appris l'ébénisterie à l'école de Neufchâteau. Ensuite, j'ai continué ma formation par le CAP de facteur d'orgue, donc qui est dans l'école nationale d'apprentis au CFA Deschaux, en dessous de Strasbourg, en Alsace. Et j'ai poursuivi ces 3 années de formation de facteur d'orgue par 2 années complémentaires en tuyautier en orgue, qui est une formation vraiment à part, pour apprendre à fabriquer des tuyaux en étain et en plomb. Donc une formation vraiment complète, hein, plus de 7 ans, pour devenir facteur d'orgue, puisque au départ, vous êtes un petit peu, je dirais, tourné vers la facture d'orgue. Tout à fait. Mon ambition première était celle de la facture d'orgue d'église, pour laquelle j'ai consacré beaucoup, beaucoup de temps à l'apprentissage et dans ma formation. Et alors, quel a été le déclic ? Comment c'est venu cette passion pour la facture d'orgue ? Alors, ça a commencé par la musique, parce que je suis né d'une famille de musiciens, tout style confondu. Et en fait, mes grands-parents s'occupaient vraiment beaucoup de moi lorsque j'étais enfant, et ma grand-mère avait un piano sur lequel j'ai beaucoup pianoté. Un jour, lors d'une réunion de famille, on est allé voir un de mes grands-oncles qui était prêtre à côté de Saint-Dié. Il a voulu me faire visiter son clocher, donc aller voir les cloches, et on s'est arrêté à la tribune de l'orgue. Et comme je pianote un petit peu, j'ai essayé, et ça m'a beaucoup plu d'un simple petit geste du doigt déclencher tellement d'émotions, de différentes sonorités, vraiment quelque chose de très très chaud. Donc j'ai voulu être d'abord organiste, et puis, plus tard, vers mes 12 ans, un facteur d'orgue m'a fait rentrer dans un orgue lorsqu'il allait faire un devis pour une restauration. Et en voyant les tuyaux, la mécanique, la soufflerie, tout ça, j'ai eu le déclic pour faire facteur d'orgue, et ensuite j'ai enchaîné les études pour faire ce métier. Et alors, quelles émotions vous ressentez lorsque vous restaurez, par exemple, un orgue ? C'est toujours intéressant de restaurer un orgue parce qu'on voit les traces du passé, des fois des petits défauts ou bien quelqu'un qui a marqué quelque chose pour laisser une trace, parce que ce sont des instruments qui traversent le temps. On a vraiment la sensation de caresser l'histoire, également de pouvoir profiter de ces instruments, c'est-à-dire que lorsque l'on restaure un tuyau, on le fait parler, après on le fait jouer, vraiment quelque chose de très musical, et là l'émotion est encore plus forte parce que quelque part c'est un petit peu notre bébé. Moi je sais que le premier instrument que j'ai restauré quand j'étais apprenti ou stagiaire, je voulais pas partir, j'étais bien, je voulais pas, j'étais triste parce que c'était quelque chose d'important pour moi, et à chaque fois c'est pareil, on a un petit pincement au cœur de laisser son petit partir quoi. Et justement, vous n'êtes pas que facteur d'orgue, puisque vous restaurez aussi des harmoniums. C'est ça. Alors l'harmonium, c'est un instrument cousin de celui de l'orgue. C'est-à-dire que l'orgue, musicalement, il a des tuyaux pour parler, pour chanter. Mm-hmm. L'harmonium, ce sont des petites anches, comme l'accordéon ou l'harmonica. Les anches, en fait, ce sont des petits bouts de métal, ce sont des petites languettes en métal, en laiton pour être précis, et avec la vibration du vent, le son est amplifié, et ça donne vraiment une note précise. Donc il y a une anche par note, et les anches ont des fois des formes différentes en fonction des sonorités qu'on veut obtenir. Donc ça fonctionne vraiment comme l'accordéon, en fait. Hein. C'est la même source sonore. Pourquoi vous êtes tourné vers l'harmonium ? Qu'est-ce qui vous touche dans cet outil, si je puis dire ? Dans l'harmonium, il y a une autre transmission de l'émotion musicale. C'est-à-dire que l'orgue, déjà, c'est quelque chose de très expressif. On peut vraiment faire ressentir une émotion, quelque chose de triste comme quelque chose de très joyeux. L'harmonium, ça part sur les mêmes bases, mais ça va beaucoup plus loin. Et on peut vraiment faire des choses extrêmement précises au niveau de la musique. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que dans l'enchaînement des cycles de la musique classique, on retourne aujourd'hui vers la musique du 19e siècle, donc c'est le romantisme, c'est le symphonique, et l'instrument harmonium en fait partie. C'est vraiment un instrument qui a été inventé au 19e siècle, et la musique a été composée pour ça. Et aujourd'hui, on retourne un peu vers ces instruments, donc il était nécessaire pour moi de me dire, je vais me pencher sur ces instruments pour les restaurer. Un retour vers le passé. Exactement, un retour vers le passé. Et on a des instruments qui sont parfois très très très pointus, très précis et pourtant qui donnent une qualité musicale remarquable. Que vous pourriez nous donner un exemple d'une restauration que vous avez faite et qui vous a vraiment touché, marqué. L'instrument qui m'a le plus marqué, c'est un harmonium de Dumont et Lelièvre, deux associés, un instrument monumental. Quelle taille ? Alors, il faisait 3,50 m de hauteur pour à peu près 500 kg. Ah oui, d'accord. C'est quelque chose de... une voilà, belle bête. Une belle bête. Et donc, c'était voilà, un instrument vraiment en chaîne massif, donc quelque chose de très très imposant. Et il avait cette particularité d'avoir une fausse façade d'orgue, c'est-à-dire avec des morceaux de bois tournés, ils avaient dessiné des tuyaux d'orgue, comme si c'était des tuyaux en métal, mais c'était simplement pour cacher ce qu'il y avait derrière, hein, toute la mécanique. Et là, c'est un instrument vraiment intéressant, parce que là, il y avait vraiment des possibilités remarquables au niveau de la musique, au niveau des sonorités, des choses qui ont été brevetées par cette entreprise, qui permettaient de flouter un petit peu le son, de le rendre un petit peu plus, un peu le grossir comme ça, le flouter, et le rendre aussi très expressif, très très fort, très puissant, très direct. Et cet instrument-là était vraiment très très très intéressant. Et puis, lorsqu'il a fallu le monter, effectivement, c'était une grosse grosse manutention. et une émotion aussi particulière, j'imagine, quand on travaille cette pièce, et surtout quand on la livre finie, restaurée. Oui, parce que là, il y avait un certain nombre d'heures quand même passées sur cet instrument-là. Dans l'atelier, on ressent moins parce que le son est très caché. On a un plafond très bas avec de la laine de verre au-dessus. Ça ne résonne pas comme dans une église. Et lorsque l'on le pose, là, en l'occurrence, c'était dans une église, là, on a la réverbération. L'instrument est tout de suite beaucoup plus à l'aise. Il se libère, il se lâche. Et du coup, c'est... ça, voilà, c'est, on sent que ça part, quoi. Et ça fait plaisir parce que du coup, on a même l'impression que l'instrument a du plaisir à jouer, si je puis dire. Il est libéré. Il est libéré, tout à fait. Alors justement, Victor, vous nous montrez comment est-ce que vous restaurez des harmoniums et des orgues. On y va, c'est parti ? C'est parti. Donc là, on arrive à une autre salle de votre atelier. Voilà, donc ici on est dans l'atelier. Donc c'est ici qu'on fait vraiment toutes les réalisations à la main, sachant qu'à l'étage, on a une salle dédiée aux machines. Donc ça évite aussi le cumul de poussière sur les instruments restaurés. Donc voilà, ici tout ce qui est fait ici, c'est le travail manuel et surtout le travail de la poterie, le travail du cuir notamment, parce que nous utilisons une colle de peau de lapin qui s'utilise à chaud et il faut que l'environnement soit tempéré. D'accord. Donc on a besoin de chaleur. Donc ce qui est bien dans notre atelier, c'est qu'il n'est pas trop grand et qu'on peut non seulement travailler dans la lumière, ce qui est une bonne chose, et ensuite de ça, dans la chaleur. Et alors juste pour décrire rapidement cette partie-là de l'atelier, moi ce qui m'interpelle tout de suite, c'est au mur. Voilà, c'est en fait c'est une caisse à outils du 19e siècle, mais de vraiment de facteur d'orgue. Ah d'accord, voilà, réelle. C'est une réelle caisse de facteur d'orgue. C'est une dame qui un jour voulait la vendre parce qu'elle tenait ça de son arrière-grand-père et qu'elle n'en avait pas l'utilité, n'étant pas du métier. Mais par contre, personne n'en était intéressé, si ce n'est de prendre un outil ou deux. Et moi, quand je suis tombé sur cette caisse à outils, je suis vraiment tombé sous le charme et je lui ai dit non, ce serait un sacrifice. Je lui ai dit je vous la prends. Et non seulement elle est belle, mais elle me sert tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. J'ai vraiment des outils, non seulement qu'on ne trouve plus aujourd'hui, mais en plus de ça, j'ai le plaisir de toucher des outils qui ont une histoire, qui ont touché d'autres instruments. C'est très très chaud au toucher finalement, ce genre de caisse. Et vous pouvez retrouver bien sûr une partie des créations ainsi que quelques photos de l'atelier sur la page Facebook de Main de Maître. Alors là, Victor, justement, vous allez nous montrer eh bien, comment est-ce qu'on restaure un harmonium ou un orgue. Voilà, quelle pas de souci. La première étape ? Alors la première étape, c'est dans un harmonium, il faut le vider entièrement de tous ces éléments. Donc dans un harmonium, il y a la soufflerie, donc ce sont des pompes faites de bois avec du cuir, de la peau de mouton. Donc ça, c'est vraiment l'élément, j'ai envie de dire, le premier élément qui souffre dans l'instrument, parce que c'est celui qui travaille le plus. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sommier. Le sommier, c'est une grande caisse en bois. Voilà, là. Qu'on voit ici, voilà. Alors, celui-ci est coupé en deux. Vous avez une partie qui est ici, donc déjà posée dans l'instrument, et une autre partie qui sont sur les tréteaux là-bas, qui va donc contenir la mécanique, avec toutes les petites soupapes qui vont permettre à l'air de s'échapper, et toutes les hanches. C'est vraiment la pièce maîtresse de l'instrument, c'est là où le son se produit en fait. Et enfin, on a le clavier qui est ici, qui est en ivoire et qui va être restauré parce que les ivoires parfois se décollent. Donc voilà, ce sont les quelques pièces maîtresses de l'instrument, sans parler des plus petites qui sont derrière. Donc une fois que vous avez, si je puis m'exprimer ainsi, désossé. Voilà. L'orgue ou l'harmonium. Voilà, on l'a complètement désossé, on a vraiment vidé, on a refait des petites pièces qui manquaient à droite et à gauche au niveau des boiseries. Mmh. Et enfin, on l'a ciré et poli. Avec de la cire d'abeille, donc pour le coup familial, puisque mon beau-père étant apiculteur, je récolte la cire, je la travaille pour l'ameublement, et ce qui me permet d'avoir un meuble extrêmement brillant et 100% naturel, puisque là, c'est pas de la bombe en aérosol, c'est vraiment une pâte qu'on a tirée du rucher, qu'on a retravaillée pour l'ameublement. Et justement, là, qu'est-ce que vous vous apprêtiez à faire par rapport à cette cire ? Alors là, je vais la polir un petit coup, encore une fois. Le polissage va faire réchauffer la cire et la faire redurcir, ce qui va la rendre encore plus brillante. Et donc là, dans les mains, vous avez quoi ? Là, j'ai une polisseuse industrielle, donc c'est vraiment utilisé pour la carrosserie notamment. Allez-y. Alors maintenant que le buffet est bien poli, on va s'occuper de la soufflerie. Donc sur cet instrument-là, il y avait des petites greffes à faire. Donc on utilise des bouts de cuir de peau de mouton qu'on va mettre aux endroits les plus sensibles. Donc ce sont souvent les angles. Lorsque l'on va mettre la colle, elle va commencer à refroidir. Et pour la reliquéfier, pour qu'elle adhère mieux au support, on va lui remettre un petit peu de chaleur en utilisant de l'eau chaude tout simplement. Donc voilà, j'ai appliqué la colle sur le cuir déjà. Là, j'utilise une éponge chaude. Et maintenant, je vais aller réchauffer la colle sur le cuir, ici. Voilà. Et là, maintenant, mon cuir est bien collé, ce qui permet de boucher les éventuelles fuites et de rendre le soufflet encore plus solide et de pouvoir lui laisser encore une petite centaine d'années à vivre. Et c'est terminé ensuite ou il y a d'autres choses à faire ? Alors, les autres étapes, maintenant, ça va concerner ce dont je parlais tout à l'heure, le sommier, donc notamment les hanches, parce que de temps en temps, il peut y avoir une petite poussière qui bloque ou des choses comme ça. Donc là, on va aller voir le sommier et on va aller voir les hanches et enlever les petites poussières si on en trouve. le fait des fois d'être mal entreposé, l'instrument peut aspirer de la poussière, et les poussières sont retransmises aux hanches. D'accord. Et du coup, ça peut bloquer la petite languette en laiton qui vibre. Et ça la rend comme ici, par exemple. Là, je vois qu'il y a une toute petite poussière. Elle est à peine perceptible et pourtant, elle bloquait la hanche. D'accord. Voilà. On peut regarder celle d'à côté. Ça a l'air d'aller, les autres. Ça a l'air d'aller, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Il y a encore quelques petites poussières. Mais c'est pas grand chose, c'est pas très très grave. Un bon dépoussiérage fera l'affaire, ça fera du bien. Voilà. Voilà. Ça vous convient, ouais. Ça va dans l'ensemble, ça va. Mm-hmm. C'est pas trop mal. Et ensuite ? Alors ensuite, on va remonter le sommier sur l'instrument. Oui. Et on va pouvoir commencer les premiers tests et commencer à entendre non plus des sons, mais de la musique. Alors je vous laisse du coup remonter le sommier. Voilà. Et on se retrouve juste après. Ça marche. Tous les éléments sont remontés. Le buffet est complet. Et là, on va pouvoir commencer à écouter un petit peu ce que ça donne. Et donc là, la dernière étape, c'est maintenant de vérifier si le son est bon. Voilà, on va écouter un petit peu les choses, sachant que ça va encore bouger avec le temps, mais là, déjà, on va pouvoir entendre le vrai son d'un harmonium. Restauré. Victor, restaurer un orgue d'église où un harmonium peut coûter cher. Mmh. Comment vous réussissez à convaincre les municipalités de vous faire confiance et de travailler avec vous ? Alors, c'est vrai que le problème principal, c'est de financer des gros coûts pour restaurer un instrument où il faut passer des centaines d'heures. Moi, je propose une deuxième solution lorsque c'est possible, c'est pas forcément le cas pour tous les instruments. Au lieu de financer 100 000 euros sur une année, où on fait les travaux tout de suite, on fait tout d'un coup, on va procéder par étapes. C'est-à-dire que, par exemple, la première année, on va s'occuper du soufflet qui est percé, on va s'occuper que de ça. Un soufflet, c'est quoi ? Un soufflet, c'est une réserve d'air. C'est-à-dire, c'est un élément de bois et de cuir qui va contenir l'air. Et sur ce soufflet, on va mettre des poids qui vont mettre l'air sous pression. C'est un petit peu quand on veut parler fort ou qu'on veut chuchoter, les poumons n'ont pas la même pression et donc on ne parle pas de la même façon. D'accord. C'est exactement le même principe. Mm-hmm. Du coup, voilà, la première année, par exemple, voilà, on va faire le soufflet. La deuxième année, on va faire les claviers, on va restaurer la mécanique. La troisième année, on va restaurer les tuyaux. Et petit à petit, sur 4-5 ans, on va remettre un orgue en état. Ça a deux intérêts. C'est déjà que financièrement, et le client et l'entreprise s'y retrouvent. Et ensuite de ça, ça permet aussi de comprendre comment l'orgue réagit avec le temps. C'est-à-dire en été, l'orgue va plutôt bien se porter parce que l'hygrométrie est bonne, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, c'est bien. L'hiver va être plus compliqué parce qu'on va avoir du chauffage, ça va assécher l'air. Du coup, on va peut-être avoir des petites fuites, donc des petites pertes d'air à droite et à gauche. Et voilà. Et si on ne fait pas ça lors de la restauration, on peut avoir des petits soucis parce qu'on ne savait pas. Mmh. Et là, le fait de venir régulièrement sur plusieurs années, ça permet déjà d'être plus précis sur le devis, parce qu'on va peut-être éviter de faire des choses, ou alors au contraire, il va peut-être falloir en faire plus, et de savoir que si un client a une question en disant « bah voilà, on a un petit souci avec l'orgue », oui, bah ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu normal, il y a du chauffage, du coup, il peut y avoir des petits problèmes, voilà. Vous, Victor, on l'a compris, vous êtes facteur d'orgue et d'harmonium, bien évidemment pour le compte d'église, mais pas que, j'imagine, vous avez aussi d'autres clients. Oui, tout à fait. On travaille pour des particuliers, notamment pour les harmoniums, où il y a de grands collectionneurs, mais aussi pour des associations, pour des musées parfois, en ce qui concerne la musique mécanique notamment. Mais voilà, on touche vraiment tout type de clientèle. Travailler la musique mécanique, alors concrètement, c'est-à-dire ? La musique mécanique, c'est un instrument automatique qui va jouer la musique sans musicien. C'est-à-dire soit par le biais d'une manivelle que l'on tourne, soit par deux petites pédales sur lesquelles on va pédaler, et donc ça va générer une énergie et faire jouer un automate tout seul. En tout cas, l'idée de la musique mécanique, c'est de jouer de la musique sans avoir aucune formation musicale. Donc aujourd'hui, on se spécialise dans ce domaine-là, tout en sachant que c'est une grande première depuis la dernière guerre mondiale, parce que la musique mécanique est née à Mirecourt. Et capitale de la lutherie. En Lorraine. Exactement. Mais aussi, et c'est un petit peu moins connu, de la musique mécanique. Et que depuis environ... on considère que depuis la dernière guerre mondiale, il n'y a plus eu de manufacture d'orgue. Et donc, on voudrait aujourd'hui remettre cette activité en place en Lorraine, parce que c'est déjà très passionnant, et que c'est un petit plus, on retrouve un petit peu notre culture aussi. Culture locale. Exactement. Est-ce que vous auriez justement un exemple concret sur cette facture d'orgue avec une mécanique particulière que vous avez restaurée? Oui, tout à fait. J'ai ici ce que l'on appelle une serinette. Alors, on s'approche un petit peu. Donc là, voilà. On se trouve devant, pour les auditeurs, vous ouvrez un buffet. Voilà, dans lequel j'expose des petites pièces venant de droite et de gauche. Ouais. Et ici, nous avons donc une serinette. C'est un espèce de petit orgue complètement mécanique avec des tout petits tuyaux. Qui ressemble de l'extérieur, on va dire, à un rectangle en bois au sein duquel il y a quoi à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, on a donc un petit soufflet qui va être activé par une manivelle avec un petit cylindre avec des petits picots. Et à chaque petit picot, en fait, ça va faire parler un petit tuyau. Voilà. En fait, ça ressemble un petit peu à une boîte à musique. Ah, oui, tout à fait. Mais l'invention a été faite au XVIIIe siècle à Mirecourt. Et ça servait à apprendre aux oiseaux chanteurs des mélodies qu'ils devaient ensuite rechanter. Ah, et là, ça fonctionne encore? Bien sûr, celui-ci... On peut écouter le son? On va écouter ça, pas de problème. Alors, je vais trouver une petite mélodie, parce que sur ce cylindre-là, on a 8 mélodies différentes. D'accord. C'est impressionnant, ça s'appelle une serinette. Une serinette. Alors la serinette a une rangée de tuyaux, oui. Il y a la merline qui a 2 rangées de tuyaux, et enfin la perroquette qui a 3 rangées. Est-ce que vous avez justement d'autres objets comme cela qui sont vraiment, je dirais, intéressants et qui relèvent aussi d'une époque ancienne? Alors la deuxième pièce mécanique que j'ai ici, c'est le pianola. Alors le pianola, c'est un automate qui va lire un grand rouleau de papier avec, s'en approcher. Bien sûr, avec une perforation. Donc à chaque trou, en fait, va faire jouer une note, mais ce n'est pas un instrument de musique. C'est quelque chose qui contient donc un système que l'on appelle pneumatique, donc avec tout un tas de systèmes, des petits soufflets, des petites choses comme ça, qui va transmettre une action à une série de doigts. Et au-dessus de chaque touche du piano, on va avoir un petit doigt. Donc, schématiquement, lorsqu'il y a une note qui va être déclenchée par le trou du papier, il y a un doigt qui va appuyer sur une touche du piano. D'accord. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir des pièces très complexes. On peut vraiment quasiment avoir une pièce orchestrale, vraiment, jouée au piano. Voilà. Et là, ça fonctionne ? Celui-ci, il fonctionne, si vous voulez l'écouter. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Et bien, on vous écoute. Eh bien, alors, c'est parti. Selon vous, quelles qualités faut-il pour être facteur et restaurateur d'orgue et d'harmonium? La seule qualité qu'il faut avoir dans ce métier, c'est il faut absolument être passionné. C'est quelque chose qui demande tellement de temps, de patience, que si on n'a pas la passion qui part du fond des tripes, on n'y arrive pas, on est vite démotivé, parce qu'il ne faut pas croire qu'on arrive en un claquement de doigts à réaliser tout ce que l'on sait faire. Il faut savoir faire des échecs, si j'ose dire, pour apprendre, ne serait-ce qu'apprendre. Et à partir de là, là, on peut prétendre avoir les connaissances nécessaires pour une restauration. C'est vrai que la passion, c'est vraiment nécessaire. Et vous, c'est une passion qui vous anime encore tous les jours, j'imagine. Oui, oui, tous les jours, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai connu aussi hein, des heures sombres où c'était pas forcément simple, où se lever le matin, ça donnait pas tellement envie parce qu'on savait ce qui nous attendait au travail et que voilà. Mais là, aujourd'hui, on se dit, voilà, hier j'ai fait un pas en avant, je vais encore en faire un aujourd'hui. Et vraiment, c'est motivant, on a envie d'y arriver. Et puis, surtout quand l'instrument commence à jouer, là, on a envie que ça joue encore plus et encore mieux. C'est la plus belle récompense. Exactement, c'est vraiment une récompense. Et en parlant de récompense, eh bien justement, je crois que vous avez été récompensé, c'est ce qu'a de le dire, par un prix. Oui, tout à fait. J'ai passé le concours Défilor, qui récompense les jeunes entrepreneurs, dans leur avenir et leurs projets. Et donc, oui, effectivement, on a eu droit au coup de cœur du jury, parce que c'est vrai qu'on fait un métier rare, donc je pense pas que tous les jurys s'attendent à trouver un facteur d'orgue devant eux. Mais ça, voilà, c'est une récompense, c'est le cas de le dire. Ça fait plaisir d'être reconnu aussi, de savoir que ce qu'on fait, c'est aussi regardé par d'autres personnes qui sont pas forcément du métier ou qui ne connaissent pas forcément la musique. Ça fait plaisir. Puisque vous êtes, je crois, moins de 5 en France à être facteur restaurateur d'harmonium notamment. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes très très peu d'entreprises et ça nous permet de travailler dans toute la France. Mon premier client était de Nîmes. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de commandes en région parisienne, notamment suite à notre salon que nous avons fait, le Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, qui nous a permis de nous faire connaître, qui est un très très beau tremplin professionnel. Voilà, aujourd'hui, on travaille vraiment dans toute la France. Où pourra-t-on vous retrouver prochainement, Victor ? Prochaine manifestation aura lieu au château de Courcelles à Montigny-lès-Metz pour les Journées européennes des métiers d'art qui a lieu fin mars, si ma mémoire est juste. Et donc, ça tournera autour des œuvres d'art en métal. Donc nous allons réaliser une série de tuyaux en métal, en étain et en plomb, devant le public afin de présenter notre métier. Et est-ce qu'on peut aussi se rendre à votre atelier ? Bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut simplement passer un petit coup de téléphone avant ou un petit mail pour savoir si je suis bien disponible. Mais l'atelier est grand ouvert avec des démonstrations. Il n'y a aucun problème. À Neufchâteau, on le rappelle. À Neufchâteau, tout à fait. Quels sont vos projets à venir ? Alors, nous avons deux gros projets. Le premier étant la mise en place de notre activité de musique mécanique, qui est encore toute fraîche, en collaboration avec la ville de Mirecourt, en tout cas nous le souhaitons, et également la réalisation d'un buffet d'harmonium neuf, ce qui est quelque chose de rarissime, parce qu'en général, quand le buffet ou l'instrument est un petit peu fatigué, la plupart du temps, les clients le mettent à la déchetterie, si j'ose dire. Et là, aujourd'hui, nous avons décidé de relever le défi avec le lycée Paul Bois, donc à Neufchâteau, hein, qui est quand même un lycée qui a été important pendant de nombreuses années. Et donc, ce sont les élèves qui vont dessiner, concevoir et réaliser le buffet avec toutes les techniques qu'on peut trouver. Donc, ça peut aller de la menuiserie, la ébénisterie, la sculpture, la menuiserie en siège. Pourquoi pas la tapisserie si on veut inclure du tissu en fond, par exemple, des choses comme ça. Vraiment, quasiment tous les corps de métier dans l'art de ce lycée seront représentés dans ce buffet. Et vous serez un peu le chef de projet de cet atelier. Voilà, c'est-à-dire que les élèves seront encadrés par leurs professeurs, mais je serai là aussi de temps en temps pour rappeler certaines règles propres à la facture d'orgue, notamment au point de vue phonique, et ça permettra de vraiment avoir un instrument de musique et non un meuble. Victor, pour terminer, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous attends et à nos manifestations, mais également à notre atelier, mais aussi dans les divers concerts qu'il peut y avoir, notamment à Nancy, puisque je suis facteur d'orgue et organiste suppléant à l'église Saint-Sébastien de Nancy, où nous avons prévu l'été prochain de faire un grand festival d'orgue pendant 2 mois, le mois de juillet et mois d'août, tous les dimanches à 17h, le mois de juillet à la cathédrale et le mois d'août à l'église Saint-Sébastien sur les 2 plus gros et plus beaux instruments de Nancy. Le rendez-vous est pris. Très bien, et bien alors, au plaisir de vous y retrouver. Merci beaucoup Victor Mangeol de m'avoir reçu dans votre atelier à Neufchâteau en Lorraine. Et bien merci à vous d'être venu me rendre visite. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Retrouvez toutes les créations de Victor Mangeol sur la page Facebook de Main de Maître. Quant à moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine, le 26 janvier 2018, dans l'atelier d'un nouvel artisan d'art. À bientôt. Thank you.